avec mon guitare, mi envoie pour elle. Un petit chanson, elle y aime ses gars. Depuis longtemps, ça m'y connaît. Moi aussi, m'y aime ça. Car moi, oui, il est un cigatier. Mi envoie pour elle, un petit chanson, un petit cigare. Des petits mots doux ou un petit bout de chou, l'amour les envoie, elle y connaît. Mais elle y garde pas. Il rappelle un soir, mon corps l'a frissonné. Le bras tifila, rideau l'a fait bouger. Elle y garde à moi, depuis me laisser. Mon petit rose d'amour. Troisième, un petit sérénade pour faire battre son cœur dans la chambre. Après des petits mots doux ou un petit bout de chou, l'amour les en bas, elle y connaît. Elle y gâte pas. Petit mot doux pour un petit bout de chou, l'amour les envoie.